C'est quoi la démonstration? J'étais dans son bureau, et puis d'un coup, il s'est retrouvé au téléphone, puis il m'a parlé en hollandais. La traité, c'était super. C'est bizarre, ça va vite, hein, quand il parle. Il dirait de l'allemand, mais en moins brutal. Puis ça va plus vite, ça change. C'est un vrai. Ouais, un vrai, de vrai. La porte est de là-bas. Non, c'est bon. Ouais, il venait en France, mais il a dû faire un tour, quelque chose comme ça. Je sais pas, je vais pas demander. Pourquoi je m'entends là-dedans? Eh oui! Oh non, tu les fais ça, je te prends, je t'en suis. Oh non, ça je fais. Hein? Catherine, oh, ne, oh, voilà, je boude.